John Stuart Mill, Le Parti radical et le Canada, note. Nous entendons par exemple dans tous les discours, et nous lisons dans tous les journaux, que les Canadiens sont une paysannerie ignorante qui, trompés par leurs seigneurs et leurs avocats, se battent pour la conservation du système féodal. Quelques scribes ont même laissé échapper l'expression « juridictions héréditaires », comme si une telle chose existait au Canada. Des défenseurs plus judicieux ont avancé que le parti était hostile au Canada Tenures Act, une loi adoptée au Parlement afin de faciliter la conversion des tenures féodales en tenures de libre et commun socage, d'après la loi anglaise. Cependant, les commissaires déclarent expressément que ce prétendu attachement aux mauvaises parties de la vieille loi française sur la propriété terrienne n'existe pas. Nous croyons, disent-ils, que la tendance dommageable à pénaliser lourdement les transferts de propriété, de même que les obstacles à sa libre transmission, commencent à être généralement admis et qu'en réalité, il y a moins de différence sur ce point qu'il n'apparaît à première vue. De sorte que, si les mots de la tenure féodale n'avaient malheureusement pas été saisis comme sujet de déclamation politique et jetés parmi l'ensemble des objets de lutte partisane, on y aurait probablement donné assez tôt un remède avec le consentement de tous. Dans les opinions qui sont présentement exprimées par les chefs canadiens d'origine française, il n'y a aucun désir de perpétuer les parties onéreuses de la tenure, et le peuple a été encouragé, dans certains cas, à en représenter les inconvénients auprès des autorités. Fin de citation. Après avoir cité quelques cas, les commissaires disent qu'un comité de l'Assemblée de 1834, citation, a montré un sentiment très favorable à l'extinction, à des conditions très raisonnables, des lourdeurs de la tenure seigneuriale. Fin de citation. Que sur l'autre point majeur, les inconvénients de la loi française sur l'hypothèque, la Chambre d'Assemblée a exprimé, citation, des opinions justes et libérales il y a plus de 10 ans, et que c'est l'état de distraction de la province, et non le désir, citation, d'adhérer à des institutions qui ne sont plus adaptées à l'intelligence de notre époque, qui explique pourquoi un remède n'a pas encore été appliqué. Les objections de la Chambre d'Assemblée à propos du Canada Tenures Act sont citées par les commissaires. Elles sont nombreuses et importantes. Nous n'en mentionnons que 2. Qu'étant conçue dans l'ignorance des lois préexistantes, la loi déstabilise les titres et détruit les droits existants. Et aussi, qu'elle était très favorable aux seigneurs. Si cette critique procédait d'un peuple trompé par ses seigneurs, cela en dit long sur l'esprit public et sur le sens de l'honneur des seigneurs. Les commissaires, après un examen complet, déclarent que toutes les objections sont valides. Et ils recommandent, ce qui a été voté au Parlement depuis, qu'aussitôt que la question de la compensation pour les droits créés par le Tenures Act sera arrangée avec la colonie, la loi devrait être abrogée et la réforme de la loi sur la tenure des terres laissée au Parlement provincial. Le défaut que les Canadiens reprochent aux tenures anglaises ne concerne pas les coutumes féodales qu'elles doivent remplacer, mais plutôt celles qu'elles introduisent. Selon la pratique habituelle des hommes qui dédaignent la théorie, les législateurs anglais n'ont su trouver aucun autre moyen de se débarrasser d'institutions qu'ils supposaient mauvaises qu'en transplantant les leurs, sans y apporter aucune modification. Ils n'ont pas été capables d'introduire à la place des tenures féodales l'entière et absolue propriété terrienne qui est commune sous la loi anglaise sans introduire également les modes de transfert de propriétés anglais qui sont compliqués et dispendieux. Ceux qui existaient d'après les coutumes françaises étant, d'après les commissaires, simples, rapides et peu dispendieux, et sans introduire l'institution féodale de la primogéniture. Or, c'est une des propriétés de cette institution chère à l'aristocratie qu'il n'y a personne qui, ayant déjà connu autre chose, arrive à la supporter. Citation. Les personnes de toutes les origines sur ce continent, disent les commissaires, préfèrent grandement la division égale qui existait en vertu de la loi française. Et ce sentiment n'est nulle part aussi fort, disent-ils, que dans les townships, là où il n'y a pas un seul habitant français. Conséquemment, les commissaires recommandent que la manière française de transmettre la propriété soit restaurée et que soit retranchée des tenures anglaises l'incidence de la primogéniture. Le public anglais apprendra-t-il de tout cela à quel point on a exagéré l'aversion des Canadiens français aux innovations dans leur organisation sociale et le peu de crédit que l'on doit accorder non pas seulement à la presse ministérielle, Mais à Lord Glenelg, lorsqu'il accuse le Parti populaire d'être un parti illibéral, une oligarchie hostile au progrès, ennemie du commerce, attachée aux notions désuètes des temps anciens?